scène, le même sang, même cyberdé, le même cœur, le même corps, d'habit, le même sang, TPM Records. Aquí sigo yo buscando un lugar que sin banderas, yeah. Corrige sueño de un guerrero y todas sus penas. En la cárcel de fronteras son las falsas democracias que aprisionan a los pueblos y son muchas las falacias. ¿Tú qué puedes esperar? Yeah. Que aquí buscamos todo un mundo sin banderas. Que tú juzgas de utopía, letargada lejanía que no deja avanzar. Qué difícil el andar entre esta humanidad. Des hommes parce que poussés par un truand ou un engin cri de douleur ou de terreur. Et des fois y'a des âmes différenciées par des enveloppes charnelles qui elles finissent par se ressembler quand elles saignent. Des hommes parce que les sentiments s'en mêlent, de l'amour à la haine, du vertueux aux misérables des armes. Bien sûr des larmes, c'est dur à admettre, mais nous sommes les mêmes vu que l'erreur n'est qu'humaine. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. Des fronteras donde yo nací, mais incapable de partager nos vies. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. Divisé car le diable est trop rusé et on finit par en payer le prix. Rappelle-toi d'où tu viens pour savoir où tu vas. Peu importe, j'irai où Dieu guidera mes pas. À l'heure où la France combat l'immigration, les frères de chez moi pensent à l'émigration. Ici, le patriotisme est mort depuis qu'à l'Assemblée nationale, la gauche fait office d'angle mort, aspirant à l'épanouissement de notre foi. Inch'Allah, on se verra au Caire ou à Mecca. Son sueño c'est libertad, no banderas, no, no fronteras, no. Porque digo lo que miro, lo que explico, no es ambiguo, vivo entre calles, tiros, libros, colectivos, sangre, ríos, padres, reos, hijos muertos, lo que veo. Quiero, creo, yo me esmero, espero que algún día esto sí lo podamos cambiar, yeah. Que antes de toda bandera exista la humanidad. Y qué triste es el andar, huh? Y qué triste es el andar. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. En un mundo de fronteras donde yo nací, mais incapable de partager leur vie. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. Car le diable est trop rusé et on finit par en payer le prix. Ma communauté n'a pas de carte d'identité, de passeport, de visa, de titre pour séjourner. Ouverte à tous, elle accueille à bras ouverts, occupant l'espace, mon frère, sur chaque hémisphère. De nos jours, des nations martyrisent des nations parce qu'une poignée d'hommes détourne l'aviation. Ils croyaient défendre leur patrie, leur famille, en mitraillant les parents d'une petite ville. Des êtres de chair et de sang venant sur terre innocent, crevant d'envie d'en découdre quand ils commencent à en être conscients. Une même espèce, un même champ, un même espace, un même temps, vivant des bonheur, la fraternité quand ils ont de quoi être confiants. Les uns vivent, les autres survivent, certains libres et d'autres se privent. Aucun esquive le teint livide de l'embaumeuse quand elle arrive. Pour sur les détails font souvent la différence, mais les notes ne pèseraient face à l'universelle ignorance. Le même cœur, le même corps, le même sang. En un mundo de fronteras donde yo nací. Car le diable est trop rusé. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. Et le monde des fronteras donde yo nací, mais incapable de partager leur vie. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. Divisé, car le diable est trop rusé et on finit par en payer le prix. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. Et le monde des fronteras donde yo nací, mais incapable de partager leur vie. Le même cœur, le même corps, le même sang, le même sort, tous humains pourvus d'un esprit. Divisé, car le diable est trop rusé et on finit par en payer le prix.